John Powell, 1882-1963, racisme, nationalisme et folk music. Dans les études consacrées à la folk music, John Powell est le plus souvent abordé en tant que fondateur du White Top Folk Festival, un festival ségrégé, en activité entre 1931 et 1939, dans le comté de Grayson, en Virginie. Mais Powell est aussi et avant tout un compositeur de musique classique, à la renommée internationale, reconnu surtout pour son usage de mélodies traditionnelles. Et Sidney Robertson insistera d'ailleurs sur ce point dans la nécrologie qu'elle lui écrira après sa mort en 1964. Tant comme organisateur de festivals de folk music que comme compositeur, l'approche de Powell de la musique est dominée par ses idéaux racistes et séparatistes. S'il ne fait pas école, le grand succès de sa musique à l'époque et sa défense active d'un modèle particulier de folk music le rendent incontournable, d'autant que les idées qu'il représente sont largement répandues. Henry Ford, par exemple, les partage dans son organisation de bals folk pour ses ouvriers. Powell naît en Virginie dans une famille fortunée de Richmond en 1882, un an avant que la Cour suprême, en déclarant le Civil Rights Act anticonstitutionnel, instaure légalement la ségrégation. Sa sœur lui enseigne le piano dès l'âge de 3 ans, puis il poursuit sa formation en Suède avec un ancien élève de l'ISL. Après avoir obtenu un diplôme de l'Université de Virginie en 1901, il s'installe à Vienne pour parfaire son éducation musicale. John Powell débute sa carrière de compositeur et se produit en tant que pianiste en Europe à partir de 1907. Il a alors déjà composé plusieurs pièces inspirées de folk songs, tant présentées comme noires que comme blanches, originaires de sa Virginie natale. Il y a le Sonata virginianesque opus 7, Hâte de fer suite pour piano In the South opus 16 et Sonata Noble opus 21. Ces idées séparatistes, selon lesquelles noirs et blancs devraient vivre séparés, et nordicistes, selon lesquelles la race nord-européenne serait supérieure aux autres et responsable de la création de toutes les civilisations, s'affirment durant son séjour dans l'Empire austro-hongrois. Il y adhère notamment à l'organisation nationaliste arienne Deutsche Wiener Turnerschaft. Durant son séjour en Europe, il compose Sonata Teutonica opus 24, qu'il dédie à ses amis ariens de la Deutsche Wiener Turnerschaft. Construite autour de variations de folksong allemandes, notamment O alte Burschenherrlichkeit, cette sonate fait un éloge de la race teutonne qu'il conçoit dans ses notes, signées de son pseudonyme Richard Brockwell, comme, je le cite, « un certain type d'esprit et de caractère, homogène, illustré dans l'ouverture du premier mouvement par un, je le recite, « Motif of oneness, an ethereal yearning, tender theme. » Plus encore que de montrer ses sympathies à l'égard du mouvement arien, cette œuvre illustre le fait que Powell, s'il défend avec ferveur l'idée d'unicité raciale et nationale, s'autorise à composer une œuvre en s'appuyant sur une autre tradition nationale que celle à laquelle il revendique d'appartenir, puisque lui-même ne se revendique pas comme teuton. Powell retourne aux États-Unis à la veille de la Première Guerre mondiale et y fait des débuts très prometteurs, en continuant à composer des pièces inspirées de folk songs. Il emploie notamment des thèmes empruntés à des folk songs considérés comme noirs pour sa Rhapsodie nègre, opus 27, qu'il compose en 1918, l'une de ses œuvres majeures, poème symphonique dédié à Joseph Conrad, d'après une lecture très séparatiste de son roman Heart of Darkness de 1899. Retenant le portrait de la dégénérescence morale de blanc au contact de noir, plutôt que le message anticolonialiste porté par l'ouvrage. A l'inverse, In Old Virginia, opus 28 de 1921, hymne nostalgique à la Virginie antebellum, région souvent fantasmée comme purement anglo-saxonne, est fondée sur des folksongs supposés purement blanches. En 1922, Powell se lance en politique et cofonde le Anglo-Saxon Club of America, club qui milite pour une purification raciale des États-Unis par une démarche eugéniste, allant parfois jusqu'à la stérilisation forcée. Powell participe activement au passage du Virginia's Racial Integrity Act, voté le 20 mars 1924 par l'Assemblée générale de Virginie est confirmée par la Cour suprême en 1927. Cette loi fait partie d'une série de mesures législatives dans l'ensemble du pays visant à empêcher les relations interraciales en criminalisant les mariages mixtes sur la base d'une définition de la race considérant comme non blanche toute personne ayant des ancêtres noirs ou amérindiens, ce qu'on appelle la « one drop rule ». La même préoccupation de maintien d'une pureté raciale supposée motive le vote la même année de nouvelles lois fédérales restreignant l'immigration non britannique aux États-Unis. L'Immigration Act de mai 1924, aussi appelé Johnson-Reed Act, et comprenant le National Origins Act et le Asian Exclusion Act. La même période voit le succès dans tout le pays de la seconde vague du Ku Klux Klan. La publication en 1923 de deux conférences de Powell au Rice Institute explicite ces théories, intégrant intimement musique et militantisme politique. Dans sa conférence Music and the Nation, ses idéaux de pureté raciale déterminent sa définition de la folk music américaine comme exclusivement anglo-saxonne. Selon lui, un obstacle majeur entrave la création d'une culture nationale aux États-Unis, le fait que les États-Unis ne sont pas, ou plutôt ne sont plus, une nation. Sans unité raciale, pas de nation, et sans nation, pas d'art national. Powell construit ainsi un lien biologique entre la nation et la culture, langage, tradition, coutumes, idéaux politiques, qui en découlerait naturellement. Il poursuit en expliquant pourquoi, selon lui, les États-Unis auraient perdu leur unité raciale avant de proposer des remèdes à cette situation qu'il juge délétère. Dans son exposé de l'histoire des États-Unis, à un passé idéalisé, celui des 13 colonies où les colons britanniques auraient vécu en harmonie et formé une nation, succède une représentation alarmiste de la société actuelle, dont les, je le cite, « valeurs spirituelles et raciales » seraient dégradées par l'arrivée d'immigrés non britanniques. Ces nouveaux venus, qu'ils viennent d'Europe continentale, d'Afrique ou d'Asie, constitueraient différents groupes raciaux, refusant d'adopter la langue et la culture anglo-saxonne et propageant des idéaux souvent anti-américains, c'est son expression. Mais Powell attribue aussi une part de responsabilité à certains industriels qui n'ont pas hésité à sacrifier l'unité de la nation américaine au nom du profit, en employant des travailleurs étrangers ou en les réduisant à l'esclavage, mais il ne fait pas cette distinction. Voici ce qu'il écrit. « Dans notre soif de croissance et d'expansion, dans notre hâte indécente à amasser des richesses et exploiter les ressources illimitées de notre pays, nous avons souvent sacrifié des valeurs raciales et spirituelles fondamentales sur l'autel des résultats rapides. » Powell dénonce l'hideuse doctrine du melting pot, qu'il qualifie de chaudron de sorcière, comme beaucoup de racistes cultivés de l'époque. Il abuse des lois de Mendel sur les principes de l'hérédité pour justifier sa crainte de voir la civilisation caucasienne contaminée par le sang d'une race inférieure. Il écrit « Nous savons que, selon la loi mendélienne, la souche africaine est héréditairement prédominante. En d'autres termes, une goutte de sang noir fait le noir. » La doctrine eugéniste qu'il défend séduit alors de nombreux intellectuels aux États-Unis et est même enseignée dans certaines universités. Pour sauver la civilisation et développer une culture nationale homogène, il faudrait la construire sur une racine nationale déjà existante. Powell va procéder par élimination pour déterminer quelle pourrait être cette racine nationale. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Voici, pour conclure, un extrait de la Sonata virginianesque opus 7 donc de John Powell, interprété par Eddie Brown, qui était un professeur et violoniste et un pionnier de la radio, qui a enregistré donc cette version pour la radio en 1939.